Vive le vieux vin de Gaulle, le vieux vin gaulois. Vive le vieux vin de Gaulle, le vieux vin gaulois. Tant terre et ciel, chêne, feu, rouge, soleil. Tant glaive claire, flot de sang vermeil. Mieux que bière ou vin de pomme, mieux vaut vin gaulois. Mieux que bière ou vin de pomme, mieux vaut vin gaulois. Tant terre et ciel, chêne, feu, rouge, soleil. Tant glaive claire, flot de sang vermeil. Cent et vingt mille ruisselles, cent et vingt gaulois. Cent et vingt mille ruisselles, cent et vingt gaulois. Tant terre et ciel, chêne, feu, rouge, soleil. Tant glaive claire, flot de sang vermeil. Glaive maître des batailles, glaive honneur à toi. Glaive maître des batailles, glaive honneur à toi. Tant terre et ciel, chêne, feu, rouge, soleil. Tant glaive claire, flot de sang vermeil. Qu'au soleil le fer flamboie comme l'arc-en-ciel. Qu'au soleil le fer flamboie comme l'arc-en-ciel. Tant terre et ciel, chêne, feu, rouge, soleil. Tant glaive claire, flot de sang vermeil.